De plus en plus d'États américains abolissent les mesures Covid. Silence des médias. Depuis l'année dernière, de nombreux pays du monde, dans le but de prévenir la propagation du coronavirus, ont mis en place des mesures de confinement et l'obligation de porter un masque. Cependant, les politiciens et les médias ont ignoré la situation dans les pays qui n'ont jamais imposé de telles mesures. Par exemple, en Tanzanie, en Biélorussie ou en Suède, les gens ont pu décider eux-mêmes, dès le début, de porter des masques ou de rester à l'écart des événements. Et les services de santé de ces pays ne se sont pas effondrés. Aux États-Unis, Christine Noem, le gouverneur du Dakota du Sud, a également décidé dès le début de ne pas imposer de confinement, d'obligation de porter un masque et l'interdiction d'événements, avec succès. Si à l'échelle nationale, les confinements ont entraîné une hausse du chômage, le faible taux du chômage du Dakota du Sud en a fait le seul État américain à ne pas bénéficier des aides fédérales pour les chômeurs, mises en place à cause du Covid. Les politiques non coercitives face au Covid trouvent de plus en plus d'imitateurs. Après la Floride en septembre, le Texas a également décidé de lever toutes les interdictions début mars, malgré une forte augmentation des infections et des décès peu avant. Cette décision a été critiquée par Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, qui l'a qualifié d'incompréhensible. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a également critiqué la décision de Greg Abbott, gouverneur du Texas, la qualifiant de complètement imprudente. Et le président Biden l'a qualifié d'énorme erreur et de résultat d'une pensée néandertalienne. Mais aujourd'hui, les événements sportifs avec des dizaines de milliers de spectateurs sans masque et sans distanciation sociale sont redevenus normaux au Texas. Malgré tous les avertissements, l'abolition des mesures de contrainte n'a eu aucun effet sur la situation du Covid. Au contraire, les chiffres du Covid ont chuté depuis le début du mois de mars, laissant dans l'obligation de s'expliquer de nombreux gouverneurs américains qui ont continué à insister sur ces mesures. Fauci n'a pas non plus fourni de réponse concrète lorsqu'on lui a demandé comment c'était possible. Il convient de souligner que les quotas de vaccination ou la présentation de certificats de vaccination ne sont pas exigés pour être autorisés à participer à la vie publique. Le gouverneur du Texas s'en est également assuré en promulguant le 6 avril 2021 une loi qui interdit même aux agences de l'État et aux entités privées qui reçoivent des fonds publics de faire du carnet de vaccination une condition pour travailler. En faisant cela, il suit ses homologues de l'Utah et de Floride, qui ont déjà émis des décrets à cet effet. Peu de temps après, les gouverneurs de l'Idaho, du Montana et de l'Arizona se sont joints à eux. Une autre de ces lois vise à défendre la liberté de tous les Texans en interdisant expressément aux villes et aux écoles d'imposer le port du masque. En effet, pour Abbott, la liberté personnelle est plus importante que des promesses de santé sans certitude. Tous ces exemples s'étendent à de plus en plus d'États américains, si bien que 31 États sur 50 ont déjà supprimé les masques obligatoires et, dans certains cas, toutes les autres mesures également. 12 États ont interdit les certificats de vaccination. Comment se fait-il que, même si la suppression des mesures Covid n'a pas entraîné une aggravation de la situation générale, de nombreux États continuent d'adhérer à ces mesures? C'est précisément les différentes manières dont les différents États ont traité le Covid-19 qui ont montré que la politique de confinement strict, avec toutes ces mesures coercitives, n'a pas donné les résultats escomptés par rapport à une approche du Covid extrêmement douce. Mais au lieu d'avoir un discours ouvert sur ces développements importants et de créer la transparence, ces faits évidents sont tout simplement ignorés par les politiciens et les médias. Par conséquent, la dictature de l'opinion actuellement pratiquée dans de nombreux milieux, où toute opinion dissidente est quasiment criminalisée, cette dictature est non seulement extrêmement nuisible, mais elle constitue carrément un crime. On doit nécessairement en conclure que pour ces milieux, il n'est pas du tout souhaitable de suivre une politique plus douce. Il est évident que ce n'est pas le bien-être de la population qui est en jeu, mais c'est la poursuite d'objectifs tout à fait différents. Chers téléspectateurs, la force de la démocratie réside dans la diversité des opinions, tandis que la dictature de l'opinion est la perte de la démocratie. Mais comme nos médias sont silencieux, alors que leur devoir et leur rôle seraient de rendre compte de manière objective et équilibrée, il appartient à chacun d'appeler à un discours ouvert.